maîtrise au check, mec. Ok. Ok. Chez moi on est en DP, on n'est pas trop Philippe plein. Et j'ai que dans les soirées bourgeoises, Philippe Lé. Je garde la capuche bleue dans la rue, pas dans le VIP. J'ai l'impression que je vais y pas, tout ce que je dis c'est des vérités. J'ai fait tomber la boulette, hop, je me suis brûlé la cuisse. J'ai crevé la RS, hop, je prends le Merco, c'est plus la crise. Et ouais, sûrement, c'est fallait que tu mises, optimise. J'ai démarré avec moins de 10 000, j'pétais en moins de 10 mois. Maintenant on me dit même quoi, est timide. Fallait que ça pète, on était dans la Twingo à 7, à sec, sur la A7, ça complait les pecs devant les ex, ça ex. Lâche-toi, mais pas trop, tu vas dire des trucs qui vexent. Tu dis que tu es un pilote, c'est même pas passer les vitesses. Quand mon sexe, on traite, t'as fait des secs. Ça bouge en crête, qui reste entre eux. Moi je mets une croix sur les faux amis, je les mets. Dis pas ce que t'aimerais pas qu'on dise, fais pas ce que t'aimerais pas qu'on fasse. Fais les bons choix, analyse et ne perds jamais ta face. Heureusement qu'il y a la team Joule, c'est grâce à vous que je vis tous les jours. C'est pour ça que je peux pas refuser selfie. Ce que je vis, c'est pas pour fils, c'est pas pour... Ce que je dis, c'est pas des fakes, c'est pas imaginé. Ouais, j'étais haussé dès le passage, en train de verser des larmes. Personne m'a vu, j'avais lunettes. Là ce qui vous parle, c'est l'homme. J'aimerais marcher en ville, faire les boutiques de Saint-Fé. Je suis solo dans mon monde, je regarde même plus les infos. C'est rare que je me fie, si je le fais, c'est que t'es le frère. Et petit, si je te vois grandir trop vite, je suis obligé de tirer le frein. Je veux plus voir le parlu, le sac d'habits à faire passer. La daronne qui s'inquiète, moins 17 heures qui doit repasser. Pour jeter le parachute, un petit couteau et du shit. Si te crames, jette la puce dans les chiottes. Faut savoir aller de l'avance, tu vas avoir la vente, t'adore. J'ai dans ton monde, tu peux voir grand, du tout, tes fans t'adorent. Ne crois pas que dans un rêve, hein. Tout ce que je dis, c'est réel, comme ce qu'a fait Zizou au Real, comme ta ruelle, comme la fin du pochon, comme faire des toffes dans les bouchons, c'est fort en émotion, j'étais la route 4 mon sang, et ouais mon sang, ça coûte rien, coûte mon sang, mademoiselle, moi je m'isole, moi je suis seul, je fais du sale, tu le sais, dans 63S ou dans le C, on va te le faire danser, on va te le faire valser. Mauvaise ambiance, crève l'abcès, surtout parle pas des absences, ça va finir par te menacer. Poto écoute et reste bien assis. Je peux chanter sur de la variété ou du Benny Benassi. J'ai jamais fait le Mac même quand j'ai pris de la hauteur. Tôt ou tard, tous ces jaloux, il faudrait les faire taire. J'ai caché ma peine, un peu comme Pablo Escobar. Tu fais confiance, au final il reste de vrai, le reste pas. Le jeune il est gazé, mais pas le casque sur la moto. Il connaît par cœur le quartier, il connaît par cœur les potos. Jusqu'au jour où ça change, les gens tu les reconnais plus. Tu feras le tri autour de toi le jour où tu seras trop déçu, trop déçu. Ils peuvent pas me cracher dessus. Moi j'ai des sous, j'ai des soucis pendant que la rue me suit. Je cours 2 secondes, je m'essouffle. J'entends le zin qui me siffle. Me dit ah, cache le banquier, je viens de croiser une voiture de scie. Brody, j'ai pas les mots. Brody, je viens de loin. Brody, je porte du doré de platine, pas du balmain. Frangin, mais qu'est-ce que tu veux, frangin? Mais qu'est-ce que tu fais, frangin? Tu fais les problèmes, toi, frangin. J'ai rien fait, j'ai jamais touché la C. Je trouve ça dégueulasse. Et pour que tu restes avec moi, frangin, je t'ai jamais menacé. Je t'ai donné, je t'ai pas obligé. Tout ce qu'il y a eu, j'ai pas oublié. Ma vie est faite, j'ai mes billets. Je me regarde avant de roublier. Quand on donne, on reprend pas. Quand on aime, on oublie. On baisse jamais les bras, même si les gens nous pourrissent. Solitaire au fond, je dis un peu ce qu'a caché au fond de mon petit cerveau. Des fois j'ai fait le con, mais je t'ai fait, c'est pour ça que je peux rouler en dernier Merco. On s'est appelé, on s'est dit ce qu'on pensait. Après on s'est revu, et tout ça me semblant danser. Lui c'est un traître, lui c'est un bon, lui c'est un vatos. Au fond, je m'en bats les couilles, je pense à mon album gratos. Je pense à plus tard, à ma villa, mettre mon matos. Je me prendrai un quad, un T-Max et même un cross. Mon parfum sans la vanille, la boulangère a kiffé. Elle m'a dit bien la voiture, j'ai dit attends, même tu sais. Pourquoi tu fais le Corleone dans ta Seat Leon? Après, trop fort les mômes quand ils sont dans la zone. Je dis plus ce que je fais, je me méfie des gens. Mais au final je vis mieux, l'argent, le buzz, tout ça j'ai. Je fume pour me soulager et on verra quand je serai vieux. Et on verra quand je serai vieux. Je suis la zone en personne, tu le reconnais, c'est bien le zin. Il me reste un peu de jaune, au moins pour demain matin. Je suis la zone en personne, tu le reconnais, c'est bien le zin. Il me reste un peu de jaune, au moins pour demain matin. Je suis la zone en personne, tu le reconnais, c'est bien le zin. Il me reste un peu de jaune, au moins pour demain matin. Je suis la zone en personne, tu le reconnais, c'est bien le zin. Il me reste un peu de jaune, au moins pour demain matin.